L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Troisième niveau. Unité 76. Prise de parole. Tu devrais bouger un peu. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases qui vous encourageront à faire du sport. Comme je regrette le temps où les femmes bien en chair étaient à la mode. Aujourd'hui, si on n'est pas longiligne et élancé comme Greta Garbo, non seulement on ne plaît plus aux hommes, mais en plus, on ne trouve rien qui nous aille dans aucun magasin. Tu sais, c'est le même problème pour les hommes. Il est bien fini le temps où les intellectuels maigrelets au teint maladif faisaient la couverture des magazines de mode. La mode maintenant est aux biceps musclés. Il faut que je fasse un peu d'exercice. J'ai grossi, c'est vrai. Regarde ces rondeurs, ces kilos superflus. Et puis regarde ici, quel bourrelet. Et là, que de vergetures. Mon Dieu, mais que je suis grasse, comme je suis grosse. Comment tu as grossi? Mais tu ne manges rien. J'ai grossi, oui ou non? Regarde un peu. Peut-être, oui. Un petit peu. Quoi, un petit peu? J'ai dû prendre au moins 4 kilos. La semaine prochaine, c'est décidé. Je m'inscris dans un gymnase. Et tu ferais de la gymnastique dans une salle de gymnastique? C'est évident. Que veux-tu que j'y fasse? Moi, je préfère faire de l'exercice chez moi. Ça coûte moins cher et je suis plus tranquille. C'est une question de choix et de volonté. J'ai besoin de quelqu'un pour m'obliger à travailler, moi. Quel ventre plat! Tu as aussi un tour de hanche enviable. Et des muscles d'acier. Touche! C'est vrai. Tu as une musculature parfaite. Qu'est-ce que tu fais? Du sport. Je soulève des poids et des haltères. Je grimpe à la corde, je saute à la corde, je travaille aux anneaux, je nage, je cours. Mais toi, je trouve que tu es bien palote ces temps-ci. Tu es blanchâtre. Tu devrais bouger un peu. Attention à ne pas faire d'efforts musculaires exagérés. Vous ne maigrirez pas plus vite et surtout, vous pouvez vous froisser un muscle ou vous faire une vilaine entorse au pied ou au poignet. Prise de parole. La mer, ça me fait rêver. Voici quelques phrases sur les sports d'été et les sports d'hiver. Pour être en forme et perdre du poids, il n'y a rien de mieux que la natation. Je ne sais pas nager. Comment tu ne sais pas nager? Tout le monde sait nager, voyons. Pas moi. Ni le crawl, ni la brasse? Non, puisque je te dis que je ne sais pas nager, enfin. Tu ne plonges pas, alors? Le jour où je déciderai de me suicider, peut-être. Moi, je suis la championne des plongeons. Regarde. Les sports nautiques, c'est ma passion. Le ski nautique, la planche à voile, l'aviron et parfois aussi la voile. C'est dangereux. Non, il suffit de bien connaître son embarcation. Et le jargon des marins? Bâbord, tribord, la proue et la poupe? C'est une question d'habitude. Alors, tu es devenu un vrai loup de mer. Larguez les amarres. Ah, la mer, ça me fait rêver. Si nous avions un voilier, un beau voilier, nous croiserions au large des côtes d'une île déserte. Si nous allions sur le port, au chantier naval, il y a peut-être quelques voiliers à vendre. Tu sais, dans les chantiers navals, les voiliers, on les répare ou on les construit. Je ne sais pas si on les vend. Allons-y, on verra bien. J'ai une envie de chausser mes skis, si tu savais. En plein mois d'août? C'est ridicule, je sais. Mais depuis ce matin, je ne rêve que de dévaler des pistes enneigées ou de glisser sur la neige avec la luge de mes enfants. Moi, je préfère le patinage. Le patinage, oui, c'est bien aussi. Tu es un bon skieur, toi? Assez. Il faudra que tu m'enseignes à skier, alors, si tu veux. Avec plaisir. Dans quelques mois? Dans quelques mois, bien obligé. Prise de parole. 30 km à vélo. Voici maintenant quelques phrases sur les sports individuels et les sports d'équipe. Écoutez-les avec attention et répétez-les. Tu n'es pas assez sociable pour faire partie d'une équipe de football, crois-moi. Mais j'adore ça, le foot. Quand les footballeurs traversent tout le terrain en dribblant pour marquer un but, c'est merveilleux. Tu as un sale caractère, tu es irascible et trop agressif. Le rugby, alors? Mais c'est la même chose, à part le ballon ovale. Le basketball, le handball, le volleyball? Les basketteurs, les volleyeurs, les rugbymen, les footballeurs et les joueurs de handball doivent être tous des personnes très disciplinées. Sois un bon spectateur, cela suffit amplement. Tu veux faire un tour de vélo avec moi? Où ça? En pleine ville? Mais non, voyons, nous irons sur le lac. Sur le lac? Tu veux que je fasse 30 km à vélo? Pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Mais ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas enfourché une bicyclette. Je n'y arriverai jamais. Essaie. Je viens de m'inscrire à un manège, à quelques kilomètres de chez moi. Je pourrai enfin passer tous mes week-ends à chevaucher en pleine nature. Tu n'as pas peur de monter sur un cheval? Peur? Tu me parles de peur? Toi qui as acheté la panoplie complète du parfait alpiniste? Les cordes, les piolets, les crampons, le sac à dos, tout! Avec le risque, en plus, de rencontrer un ours derrière une montagne. Un ours? N'exagérons pas. Il y a des bouquetins et des marmottes. Des ours, non. Prise de parole. Il a du punch. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes sur les sports de combat. Notre fils est trop agressif. Il faudrait l'obliger à pratiquer un sport de combat où il pourrait se défouler un peu. Mais il risque de se faire mal. Et s'il assomme le premier venu pour un oui ou pour un non, comme c'est presque arrivé la semaine dernière, il risque de se faire encore plus mal et aussi de finir derrière les barreaux. Et tu penses à quel sport en particulier ? Il a du punch et une bonne droite. Il pourrait devenir un bon boxeur. Monter sur le ring? Se faire envoyer au tapis toutes les 5 minutes? À moins que ce soit lui qui mette KO son adversaire. La lutte gréco-romaine, le catch, ce sont des sports trop violents. Je préfère la boxe. Là, au moins, il n'y a pas de corps à corps. Les luttes gréco-romaines ou pas sont des sports très beaux à voir. À voir, oui. À pratiquer, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Je te répète que je préfère la boxe. Je trouve que c'est un sport bien plus noble. Je suis très attiré par les sports japonais. Le judo et le karaté? Entre autres, oui. Je connais un judoka et un karatéka ceinture noire. Ceinture noire? Oui, des as. Ceux que j'ai connus n'étaient que des ceintures blanches et jaunes. Des débutants, alors? Oui. Pour moi, ce ne sont pas simplement des sports. Ils font partie d'une culture qui m'intéresse énormément. Eh oui, l'Orient est plein de mystères et plein de charme. Écoute. Isabelle est un crack. Vous allez écouter avec attention quelques phrases sur les champions. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à être aussi bon que Jean. J'ai beau faire tous les efforts possibles, il reste meilleur que moi. Meilleur que toi et que tout le monde. C'est un champion. Je me demande comment il fait pour être toujours le premier en tout. C'est un champion de ski, de tennis, de golf, mais c'est aussi un champion en littérature et en mathématiques. Tu as vu le stade qu'on vient de construire pour les Jeux Olympiques? C'est champion. C'est vrai, c'est remarquable. Personne ne pourra jamais égaler Isabelle, c'est un crack. Tu veux parler de ses performances au ski? Pas seulement, elle réussit partout dans tous les domaines. C'est une championne, il n'y a rien à dire. Je te présente le numéro 1 de notre équipe de foot. Depuis qu'il joue avec nous, nous avons gagné tous les championnats. C'est vraiment un as. Tu as vraiment l'intention d'engager ce joueur dans notre équipe de rugby? Oui, pourquoi? Mais parce qu'il est nul. Comment nul? C'est une nullité, je te dis, un rigolo, un tocard. Renseigne-toi, tu verras. Je suis un rien du tout, et un moins que rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ce pessimisme tout à coup? Je suis une lanterne rouge. Quoi que je fasse, j'arrive toujours après les autres. Je ne sais plus quoi faire. L'important, tu sais, ce n'est pas toujours de vaincre. Je sais, l'important c'est de participer, d'être fair-play et d'être bon joueur. Mais moi j'en ai assez d'être toujours une nullité et j'ai décidé d'abandonner l'équipe. Je me retire. Salut. Conversation. Un choc épouvantable. Tu devrais faire un peu d'exercice. Le sport, tu sais, ça permet d'être toujours en forme et de bonne humeur. Qu'est-ce que tu racontes? Avoir une silhouette parfaite. Cela t'aidera à te sentir mieux dans ta peau. Et puis le sport, c'est la santé. C'est la santé? Oui, tu ne sembles pas de mon avis. Pas tellement. Regarde. Quoi? Regarde un peu mon genou. Je n'avais pas remarqué. Qu'est-ce que c'est? Un plâtre. Pourquoi? Ça ne se voit pas? Si. Mais qu'est-ce que c'est? Une entorse? Une fracture? Une fracture, exactement. Tu es tombé? Oui. Où? Comment? Au ski, dimanche dernier. À Chamonix? À Chamonix. Une luge est arrivée à toute vitesse pendant que j'étais en train de descendre une des pistes les plus difficiles et je n'ai pas pu l'éviter. Le choc a dû être épouvantable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'autre personne? Rien. Elle n'a rien eu. Et ça te fait mal? Maintenant, non. Mais je dois rester plâtré jusqu'au mois de décembre. Si j'ai bien compris, tu passeras Noël dans le plâtre? Oui. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'inquiète. Je pense plutôt au travail. Le métro, le bus ou la voiture dans cet état-là, ce n'est pas amusant, crois-moi. C'est vrai. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Non, c'est la troisième fois que je me casse quelque chose. La première fois, il y a 2 ans, quand je suis tombé de cheval. La deuxième fois, l'année dernière, au tennis. Et cette année, au ski. Alors, quand tu me dis que le sport, c'est la santé et la bonne humeur, laisse-moi rire. Deux fois par semaine. J'ai horreur de nager dans une piscine. Moi aussi. Il y a toujours trop de monde. Mais l'hiver, il n'y a pas d'autre solution. Je sais bien. Mais tous ces enfants qui crient, ces gens qui plongent pendant que tu passes sous le plongeoir, moi, ça me fatigue. Il faudrait que nous changions d'horaire, que nous venions le matin très tôt, au lieu de l'après-midi. Très tôt, tu as raison, parce que moi, je dois être au bureau à 9h. Ça signifie qu'il faut que je me lève vers 5 heures pour avoir le temps de faire quelques brasses, de me préparer et de prendre le bus. Oui, et puis me retrouver dans une piscine, au saut du lit en plein hiver. Ça ne doit pas être la fête tous les jours. Le soir, peut-être, ce serait plus facile. Non, le soir, non. Je suis épuisé après le travail. Et puis, si ma femme me voit sortir tous les soirs pour aller à la piscine, elle qui ne me voit jamais, je ne sais pas si elle sera d'accord. Pas tous les soirs, disons 2 fois par semaine. Après tout, on peut toujours essayer. Ça ne coûte qu'une scène de ménage. Et une noyade si nous sommes à bout de force à cause du travail. Une affaire de famille. Je suis déprimée. Pourquoi? Tu as des problèmes? Mon fils a décidé de faire de la boxe. De la boxe? Mais c'est dangereux, ça. Ah, tu vois. C'est bien ce que j'essaie de faire comprendre à mon mari, mais il me répète que j'exagère. Comment tu exagères? Pas du tout. Des coups, il en donnera, mais il en prendra aussi. Et puis, esthétiquement, c'est risqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas remarqué? Tous les boxeurs ont le nez cassé. Ce n'est pas beau du tout, un visage avec un nez cassé. Ce soir, tu viens à la maison et tu en parles à mon mari. C'est une affaire de famille. Je ne sais pas si... Fais-le pour moi, je t'en prie. Si tu y tiens. Et n'oublie pas de parler du nez cassé. Et j'aligne le couteau et je coupe une, deux, trois tranches super fines et je prends... Exercice. Dictée. Elle filait devant lui, virgule, mince et droite sur la selle, virgule, et elle se retournait parfois avec un bon sourire, virgule, pour voir s'il la suivait. Point. À chaque voiture dépassée, virgule, elle le rassurait en disant les mérites de leur machine, virgule, qui, toutes deux, sortaient de l'usine Grand Didier. Point. C'était des Lisettes, virgule, le modèle populaire auquel Thomas lui-même avait travaillé, virgule, perfectionnant la construction, virgule, et que les magasins du bon marché vendaient couramment 150 francs. Point. Peut-être avait-elle l'aspect un peu lourd, virgule, mais elle était d'une solidité et d'une résistance parfaite. Point final. Unité 77. Prise de parole. Il vante beaucoup. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur les précautions à prendre avant d'entreprendre un voyage. Tu as dit que tu partais pour New York? C'est un voyage d'affaires? Malheureusement, oui. Je n'aurai certainement pas le temps de visiter la ville et c'est dommage parce que c'est la première fois que j'y vais. Et il faut un visa pour entrer aux États-Unis? Je ne sais pas. De toute façon, c'est l'entreprise qui s'occupe de tous ces problèmes. Le Pérou, bien sûr que ça m'attire. Mais il faut se renseigner sur la situation politique. Je n'ai pas du tout envie que notre voyage se transforme en cauchemar. Moi, c'est l'Afrique qui me fait rêver. La jungle, les éléphants, les tam-tams. Mais il y a beaucoup de vaccinations à faire avant de partir. Quelques-unes, oui, je pense. Je téléphonerai à mon ami qui travaille dans une agence de voyage. Il me donnera toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allô? Je vous téléphone parce que j'aimerais connaître les conditions climatiques de la Thaïlande en ce moment. Quel temps fait-il? Il fait mauvais ou il fait beau? Il fait chaud ou froid? Et la pluie? Il pleut souvent. Il vente beaucoup. Je ne pense pas qu'il neige quand même. Il ne gèle pas non plus la nuit, n'est-ce pas? J'achète toujours plusieurs guides touristiques avant de partir en voyage. Moi aussi, j'aime bien me renseigner sur l'histoire du pays, sur les itinéraires touristiques, sur l'art et la culture. Moi, c'est la gastronomie qui m'intéresse. J'aime bien manger les spécialités des pays où je vais. Prise de parole. de bonne heure à l'aube. Voici quelques phrases que nous pourrions entendre dans une agence de voyage. Pardon, madame, j'ai envie de prendre quelques jours de vacances. J'ai besoin de me reposer. Oui, j'ai vraiment besoin d'oisiveté, de farniente. Vous pourriez m'indiquer un pays chaud, tranquille, sans trop de touristes, un pays paradisiaque où je puisse oublier tous mes problèmes. L'Espagne, la Grèce, l'Italie, vous avez l'embarras du choix. Je m'adresse à votre agence de voyage organisée parce que j'aimerais réduire au maximum les risques de mauvaises surprises. Vous avez une idée sur le pays que vous aimeriez visiter ? L'Égypte. Il y a longtemps que ce pays me fascine. Vous vous occupez de tout ? Je veux dire, les formalités à accomplir, les réservations d'avions et d'hôtels ? Bien sûr. Vous préférez une chambre d'hôtel, une pension de famille, un appartement ou un bungalow dans un village de vacances ? Voici le programme détaillé des excursions que nous vous proposons. Vous voyez, vous avez le nom et la description des sites touristiques les plus renommés, ainsi que les dates auxquelles nous assurons des visites commentées dans certaines villes et leurs musées. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à fixer la date de votre départ. Quand voudriez-vous partir ? Je ne sais pas. Voyons, dans 3 mois, oui, en août, le 20 août. Et l'heure à laquelle vous aimeriez partir ? Nous verrons ensuite si elle correspond avec les horaires de train et d'avion que nous avons. Le matin, si c'est possible, de bonne heure, à l'aube. Oui, à 5 ou 6 heures. De cette manière, nous arriverons à Rome pour le déjeuner. Attendez une minute. Je suis désolé, tout est complet le matin. Pour le train jusqu'à Paris, il n'y a pas de problème. Mais vous n'aurez pas de place disponible dans l'avion avant... Attendez que je vérifie. Oui, vers le soir, sur les 20 heures, il y a 3 départs pour Rome. Combien de temps voulez-vous séjourner à Paris ? 10 jours environ. Oui, je ne peux m'absenter que pour 10 jours. Prise de parole. Un descendant de Robinson Crusoe. Vous allez écouter avec attention quelques phrases concernant les voyages individuels. Vous les répéterez lentement. Moi, partir en groupe, faire un voyage organisé ? Quelle horreur ! Pourquoi dis-tu cela ? Tu peux être sûr que même si on m'offrait une croisière dans un luxueux paquebot, je refuserais sans hésiter. Je rêve d'une île déserte, au beau milieu du Pacifique, sans touristes, sans nightclub, sans voiture et sans Coca-Cola. Je veux pouvoir enfin sortir des sentiers battus, voir vraiment du pays, nouer de vraies relations d'amitié avec les populations indigènes. Tu parles comme un futur globe-trotteur. Non, comme un descendant de Robinson Crusoe, c'est tout. Ce n'est certainement pas à moi qui ramènerai des petits totems ou des petits masques en plastique de mon voyage en Afrique. Ah ça non, ce n'est pas du tout mon style. Le voyage pour moi, c'est sacré. Ce que je demande avant tout, c'est la liberté. Et vivre au jour le jour. Tu comprends ? Je ne m'adresserai jamais à une agence de voyage quand je déciderai de partir pour l'Inde. Comment feras-tu pour les réservations de train et d'avion ? Je ne réserverai rien, sauf pour l'avion, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas difficile. Pierre est devenu fou. Il a dépensé toutes ses économies pour un voyage en Amérique latine. Et alors ? S'il en avait envie depuis des années, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. À mon avis, voyager en Concorde, c'est de la folie. Tu pars en wagon-lit ? Jusqu'à Marseille, oui. Ensuite, je chercherai une place sur le pont d'un ferryboat ou dans un charter. Et où veux-tu aller exactement ? En Algérie ? Non, au Maroc. Prise de parole. Ce sont des odyssées. Voici maintenant quelques phrases sur des voyages un peu particuliers. Voyager, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Pas toujours. Il y a des voyages qui n'ont rien de voyage d'agrément, tu sais. Bien sûr, je ne fais pas allusion au voyage d'affaires. Ce n'est pas à ça que je pensais. Alors à quoi? Aux gens gravement malades ou aux gens désespérés qui vont à Lourdes ou dans un autre lieu saint dans l'espoir qu'un miracle puisse s'accomplir et les soulager de tous leurs maux. Effectivement, un pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique. Et l'exode, c'est quoi au juste? Il arrive que des populations civiles doivent prendre la route et quitter leur pays d'origine à cause d'une guerre ou à cause de répression politique. L'exode, c'est ce voyage forcé, une émigration en masse, un aller simple sans possibilité de retour. Souvent, les exodes sont le début de longues pérégrinations. Plus que des voyages, ce sont des odyssées, de dramatiques odyssées. Tu vois, plier bagages, ce n'est pas toujours une fête. Tu sais, en Afrique, j'ai vu passer une caravane de nomades. C'était fascinant. Où l'as-tu vue exactement? À Dakar. Elle a fait une halte à Dakar, puis elle est repartie. Elle devait se rendre, m'a-t-on dit, à Tombouctou. Elle a traversé tout le désert, alors? Oui, et j'ai l'impression que ces gens-là passent toute leur vie dans le désert. Ils s'arrêtent quelques jours dans les villes, et puis passent par le désert, sortent et s'éloignent du désert pour y retourner encore.